J'ai une allergie à l'argent, j'aime pas les OGM, je crois pas la télévision, je veux briser ces chaînes qui m'enchaînent, la Babylone, qui m'emprisonne, me conditionne malgré moi. Alors je me contorsionne, me repositionne et j'élargis le débat. L'argent roi méprise la vie, le respect, l'équilibre. Dans la recherche du profit, nous ne sommes plus libres. Nous sommes des portes, on est sur pattes et le luxe nous épate. Nous ne sommes que des consommateurs dans leur collimateur. Nous sommes devenus des cibles. Il leur suffit de viser juste pour créer des envies de consommation compulsive. Et nous sommes tous asservis, leur puissance est massive. Le sport à la télé devient une mascarade, son nom basé sur la compétition et la gloire des nations. Plus on attise les passions, plus les conversations se focalisent sur des trucs cons à la télévision. Ça fait vendre des baskets fabriquées par les enfants à l'autre bout de la planète. Le dopage tue les athlètes, les supporters exagèrent et le sport devient une guerre. Cette éducation basée sur la sélection, elle crée la compétition et génère l'exclusion. L'absurdité du nucléaire fait qu'on pollue la terre de façon irrémédiable pour plusieurs millénaires. Je me méfie des scientifiques sans éthique qui manipulent la génétique. Je les préfère ces scientifiques qui deviennent mystiques par leur vision holographique. J'sais pas si les Illuminati existent et dirigent le monde, mais il éclate un petit club de quelques milliardaires. Gouverneraient tellement la terre, donne des ordres aux dirigeants et exploite sans remords les richesses naturelles et la vie des pauvres gens jusqu'à engendrer leur mort. TV.